Le Dhammapada, versé sur les inconscients. Longue est la nuit pour celui qui ne dort pas. Longue est la route pour le voyageur épuisé. Pour l'inconscient qui ne connaît pas le Dhamma, interminable est le cycle du samsara. Note de Jeanne Chute. Samsara est un mot pali qui signifie « errance perpétuelle ». C'est le cycle ininterrompu de la naissance et de la mort dans le monde. Ce cycle est conditionné par l'ignorance. Fin de la note. Si sur ton chemin, tu ne rencontres pas de compagnon qui te soit égal ou supérieur, continue ta route seul et résolu. Ne t'encombre pas de la compagnie d'un inconscient. J'ai des fils, j'ai des biens, s'inquiète l'inconscient. Alors qu'il ne s'appartient pas lui-même, comment des fils ou des biens pourraient-ils lui appartenir? L'inconscient qui se sait inconscient est au moins sage dans cette mesure. Mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient. Même si, une vie entière, l'ignorant reste auprès d'un sage, il ne connaît rien du Dhamma, pas plus que la cuillère ne connaît le goût de la soupe. Même si, un instant seulement, une personne douée de discernement reste auprès d'un sage, elle connaît aussitôt le Dhamma, comme la langue connaît le goût de la soupe. Les inconscients, dépourvus de sagesse, sont leurs propres ennemis. Ils passent leur vie à commettre de mauvaises actions dont les fruits sont amers. L'action n'est pas juste quand vous la regrettez après, quand les fruits que vous en récoltez vous font pleurer. L'action est juste quand vous ne la regrettez pas après, quand les fruits que vous en récoltez vous apportent la félicité. Tant qu'une mauvaise action n'a pas porté ses fruits, l'inconscient la croit douce comme le miel. Mais quand ses fruits ont mûri, l'inconscient sombre dans la désolation. Même si, mois après mois, l'inconscient se nourrit à la manière frugale de l'ascète, il ne peut se comparer en valeur à celui qui connaît la vérité du Dhamma. De même que le lait met du temps à cailler, une mauvaise action n'a pas immédiatement de conséquences, mais elle brûle celui qui l'a commise par inconscience, comme le feu qui couve sous la cendre. C'est vraiment à son détriment que la connaissance vient à l'inconscient. Ne sachant pas comment l'utiliser, il en perd la tête et ses capacités. Il va réclamer un statut non mérité. Parmi les moines, il voudra présider. Sur tous les monastères, il voudra régner et avoir les disciples laïcs à ses pieds. Et il dira que laïcs et moines croient que j'ai fait cela tout seul. Je déciderai moi-même des tâches à accomplir. Voilà comment l'inconscient se met à réfléchir, redoublant ainsi d'orgueil et de désir. La voie du succès matériel va dans une direction, dans une autre va celle de la libération. Voyant cela, le moine disciple du Bouddha, de l'éveillé, par les honneurs du monde ne doit pas être happé. C'est vers le détachement qu'il doit plutôt aller. Thank you.